de toi, être là quand tu t'éveilles au premier rayon de soleil. Oh, oh, oh, je voudrais rester près de toi, m'enfuir loin dans tes draps pour ne pas rentrer chez moi. Je t'aime, passe encore dans mes cheveux tes deux mains qui me rendent si heureux. Je t'aime, ne me laisse pas partir loin de toi, je me sens un peu mourir. Je voudrais dormir près de toi pour te souhaiter le bonjour après une longue nuit d'amour. Je voudrais rester près de toi et découvrir sur ton visage que tu n'es pas un mirage. Je t'aime, c'est mon cœur que tu entends, car ma voix est partie retenir le temps. Je t'aime, j'ai besoin de te le dire dans ma vie. Il suffit de ton sourire. Je voudrais dormir près de toi, être là quand tu t'éveilles au premier rayon de soleil. Oh, oh, oh, je voudrais rester près de toi pour te regarder rêver et te couvrir de baisers.